Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la pièce « Équation pour un homme actuel » quand la censure frappe le théâtre de plein fouet. C'est l'évolution de l'homme. D'abord, c'est le cosmos, la terre en fusion, le feu et tout, puis arrive l'eau, l'homme apparaît, c'est l'homme primitif, aux prises avec tous ses complexes, les fétiches, et puis finalement, on en arrive à l'homme actuel, et puis pour arriver à la fin de la pièce, l'homme futur, on se projette dans le futur avec, avec l'homme. C'est l'homme, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il sera. Le metteur en scène, Rodrigue Mathieu, qui parle de la pièce Équation pour un homme actuel à l'édition nationale de l'émission Présent en septembre 1967. La pièce Équation pour un homme actuel a marqué l'histoire du théâtre au Québec. Le 16 septembre 1967, l'escouade de la moralité de la ville de Montréal interrompt le spectacle lors d'une descente policière au cours de laquelle 9 comédiens de la pièce sont arrêtés pour indécence. L'affaire va même se retrouver devant les tribunaux. Nous avons assisté ce soir-là à un miracle. C'est une des soirées qui compte dans la vie d'un spectateur, un genre d'événement qui fera date dans l'histoire du théâtre au Québec. Ce n'est pas seulement une expérience, c'est le spectacle de l'avenir. Demain, ce genre de spectacle nous sera familier. En attendant, les saltimbanques auront eu le mérite des pionniers. Suite à ce succès, le pavillon de la jeunesse nous a réengagés pour une série de 5 représentations, je crois. Et c'est à la 5e et dernière représentation, donc la 6e dans l'ordre des choses, en plein spectacle, au moment où on jouait Érotomanie, je crois, c'était une séquence du spectacle qui traitait d'érotisme, ça va de soi, qui sont intervenus et qui ont arrêté les comédiens sur scène et qui ont empêché les autres. Les spectateurs s'imaginaient que c'était un happening, que c'était voulu, mais non. Apparemment qu'il y avait eu une plainte formulée par 2 personnes. Ça, on l'a jamais su. On s'est ramassé un panier à salade. Oui. À nouveau, le metteur en scène Rodrigue Mathieu, cette fois à l'émission Les Trésors du théâtre en 1988. Et juste avant, c'est l'animateur Jean Mathieu que vous entendiez à l'émission Présent en 1967. Pour nous raconter cet épisode de censure autour de la pièce Équation pour un homme actuel, je reçois Michel Vaïs, l'un des comédiens de la pièce à l'époque. Michel Vaïs, qui est aussi secrétaire général de l'Association internationale des critiques de théâtre, qui a longtemps été animateur et chroniqueur à la défunte chaîne culturelle de Radio-Canada. Michel Vaïs, bonjour. Bonjour. Quand on pense au phénomène de la censure au théâtre québécois, Michel Vaïs, on pense souvent, spontanément, à cette pièce « Les fées ont soif », moins à celui de la pièce dont vous allez nous parler aujourd'hui, « Équation pour un homme actuel ». Quelle importance a eu cet épisode de censure autour d'Équation pour un homme actuel dans l'histoire de notre théâtre? Alors, ça s'est passé 11 ans avant les faits en soif. Alors, oui. Ce qu'on a compris à la suite de cet épisode, c'est que l'escouade de la moralité ne s'attaquait pas seulement aux boîtes de striptease ou en forçant les jeunes filles des ballets africains à la place des arts à porter des soutiens-gorge lorsqu'elles dansaient, mais cette escouade pouvait aussi, au nom de la morale de l'époque, interrompre un spectacle théâtral d'avant-garde où rien n'était montré, tout était suggéré. Donc, ultra-sensibilité. Puis, on regarde ça aujourd'hui, Michel Vaïs, puis ça fait sourire, là, les raisons pour lesquelles l'escouade va procéder à ses arrestations. Ça va se ramasser devant les tribunaux, cette affaire-là. Oui, tout à fait. Ça a été très étrange. On s'attendait jamais à ce que ça se passe de cette façon. Nous, on a présenté un spectacle audacieux, comme on le faisait toujours chez les saltimbanques. Ce qu'on nous avait demandé de faire, d'ailleurs, pour l'Expo 67, le pavillon de la jeunesse de l'Expo 67. Oui. C'était vraiment une expérience d'avant-garde, très audacieuse, acclamée par le public, comme par la critique, et plus tard aussi par l'étranger, puisqu'on a pu jouer la pièce en France par la suite. C'est une histoire que vous connaissez bien. Vous avez participé comme comédien à ce spectacle-là. C'est une histoire qui vous tient à cœur aussi souvent. Vous avez écrit quelques textes autour de cet épisode de censure. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous tient tant à cœur dans cette histoire-là? Ben, écoutez, j'ai écrit effectivement plusieurs textes dans la revue Jeu là-dessus. J'ai aussi consacré un chapitre de mon livre L'accompagnateur, parcours d'un critique de théâtre, à l'histoire des saltimbanques. Et aussi, c'est là que j'ai débuté au théâtre. En fait, je suis monté sur scène, là, à l'âge de 17 ans, avant même d'avoir vu une première pièce dans un vrai théâtre comme spectateur. Alors, donc, j'ai un lien très personnel avec cette troupe dont j'ai fait partie à partir de ce moment-là, donc en 63, jusqu'à la fin de la troupe, en 69. Ouais. Voilà. Vous parliez des saltimbanques. Effectivement, cette pièce-là, c'est à eux, c'est à cette troupe qu'on la doit. Ça vaut quand même le détour. Prenons un petit moment pour parler de cette troupe, de l'époque, de l'esprit de la troupe. Qui sont-ils, les saltimbanques? C'est une troupe d'amateurs qui est née d'une scission en 1962 avec une autre troupe qui s'appelait les Apprentis Sorciers. Donc, il y avait au Québec tout un réseau de troupes d'amateurs à l'époque. Il y en avait à Québec, c'était les Stocks, à Sherbrooke, l'Atelier, à Hall, le Théâtre de Lille, etc. Et chez des saltimbanques, comme dans les autres troupes d'amateurs, on montait surtout... Ben, on était entièrement amateurs, là, on n'était pas payés du tout. Mais nous, chez les saltimbanques, ce qui faisait notre particularité, c'est qu'on montait surtout des auteurs étrangers qui n'avaient jamais encore été créés à Montréal. Alors, on pense à Jean Genet, Arabal, Boris Vian. On a été les premiers à créer des pièces de ces auteurs à Montréal. C'était donc un répertoire d'avant-garde ou expérimental, comme on disait à l'époque. Alors, Michel Tremblay, André Brassard, par exemple, ils ont été nourris par tout ce théâtre. Ils étaient familiers de nos spectacles, de la troupe. Brassard a même joué. J'ai joué avec Brassard. J'ai joué dans sa première mise en scène chez les Saltimbanques. Donc, mais on fonctionnait aussi comme des professionnels. On se disait, en fait, semi-professionnels. On avait des saisons complètes, on avait des abonnés, la critique venait voir tous nos spectacles, comme ils allaient au TNM ou au Rideau Vert. On n'a jamais reçu aucune subvention, on ne recevait pas de cachet, on devait même payer pour jouer. Chaque comédien payait une cotisation hebdomadaire pour pouvoir faire partie de la troupe. Voilà. Ouais. Et puis cette pièce dont on parle aujourd'hui, Équation pour un homme actuel, vous l'avez déjà un peu évoquée, elle est créée dans le cadre d'Expo 67. Comment, racontez-nous un petit peu la petite histoire de la pièce, comment elle se retrouve, cette pièce, à Expo 67 justement? Eh bien, à l'Expo 67, la commissaire du pavillon de la jeunesse de l'Expo, qui s'appelait Thérèse Arbic, a organisé un festival des compagnies d'amateurs. Et elle nous a invités à créer un spectacle très audacieux. Elle nous a dit, vous êtes reconnus comme une troupe d'avant-garde, une troupe expérimentale, alors allez aussi loin que vous le voulez pour vous faire plaisir. Je la cite, c'est une citation. Et nous avons reçu de l'Expo 67, donc du pavillon de la jeunesse, 1 250 $ pour monter ce spectacle. Alors pour nous, c'était vraiment un pactole, parce que jusque-là, on ne recevait rien du tout, on n'a jamais reçu de subvention, c'est nous-mêmes qui devions payer, etc. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Donc on a fait partie de ce festival de théâtre amateur. Il y avait six soirs, il y avait chaque soir un spectacle différent. Et puis, nous, alors, on nous a demandé de revenir devant le succès, mais faramineux. On nous a dit, ben, revenez la semaine prochaine et jouez toute la semaine. Alors, on a fait 5 jours de plus avec ce spectacle. Et c'est le soir de la dernière qu'il y a eu cette histoire de descente policière. Oui. Voilà. Et quand on repense à la pièce, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup de ça dont on se souvient, cette descente policière, cette histoire de censure autour de la pièce. Puis on oublie un petit peu, malheureusement, que cette pièce-là, elle a aussi été importante dans l'histoire du théâtre québécois, sur le plan plus théâtral, sur le plan dramatique. Elle a eu aussi un accueil très favorable, cette pièce, auprès de la critique à l'époque. On va parler de tout ça dans un instant, Michel Vaïs, mais on écoute d'abord à ce propos le chroniqueur Raymond-Marie Léger à l'émission La Semaine des Arts, en 1968. Pierre Moretti n'est pas une vipère lubrique. Son équation pour un homme actuel n'est pas plus aphrodisiaque que la tentation de Saint-Antoine. Les voyeurs feraient bien de s'abstenir, les psychopathes de chercher ailleurs qui ou quoi dévorer. Qu'un tel spectacle ait fait scandale, qu'il ait déclenché l'opération policière que l'on sait, a quelque chose de fabuleux, de stupéfiant, comme on dit, l'escouade des stupéfiants. Car le spectacle de Moretti est d'abord remarquable par son extrême rigueur. L'ambition du propos, l'étrange beauté bruyante du texte et l'audace savamment calculée de la scénographie se situent à l'envers et à l'opposé de toute facilité. Nulle concession ne vient rompre l'opacité d'un univers de haute précision, de haute fidélité, d'un univers cousu main, d'un univers fabriqué avec les moyens de demain et aussi avec une application presque maniaque. L'équation, pour un homme actuel, annonce la mort d'un certain théâtre et la naissance d'un nouvel art du spectacle. Alors, c'est pas rien ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça raconte? C'est formidable. C'est formidable. Mais dites-nous pourquoi cette pièce Équation pour un homme actuel était si, entre guillemets, révolutionnaire et qu'est-ce que ça racontait, ce spectacle-là? Écoutez, je vais vous le dire, mais je suis ravi d'écouter ce genre de propos que j'avais jamais entendu avant, parce que nous, on était plongés dans notre scandale policier et en cours, et d'écouter ça, c'est extraordinaire. Alors, ça a été notre plus gros spectacle chez les Saltimbanques. 11 comédiens, 3 ans de gestation, une création totale, c'est-à-dire il n'y avait pas de texte préalable, il n'y avait pas de, c'était pas un texte étranger qu'on montait. Et on voulait représenter le parcours de l'être humain dans l'univers, depuis les éléments en fusion jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'apparition de l'homme à partir des invertébrés, les luttes pour la survie, les inventions, les guerres, les fléaux, et une projection vers le futur. Alors, comme le disait Raymond-Marie Léger, le texte, effectivement, est dû à Pierre Moretti, mais Pierre Moretti ne l'a pas écrit. Il a fourni à un ordinateur de l'Université de Montréal, il a fourni des milliers de mots et une syntaxe primaire, et c'est l'ordinateur qui a craché des centaines et des centaines de phrases que Pierre Moretti a ensuite classées sous 16 différents tableaux. Et alors, quant au mouvement, ils étaient inspirés des ballets de Béjart, du No, etc. Et le décor, qui était dû aussi à Moretti, était composé en partie de projections sur les comédiens danseurs. D'ailleurs, Pierre Moretti, par la suite, après les Saltimbanques, il est devenu cinéaste d'animation à l'Office national du film. Donc c'est quelqu'un pour qui ses projections sur les danseurs et les comédiens étaient... ça allait de soi, quoi. C'était très attirant pour lui, cette nouvelle technique qu'il expérimentait. Oui. Et cette écriture, je reviens à l'extrait qu'on entendait, mais quand on dit il y a un peu un avant et un après, on faisait entre autres référence à ça, j'imagine, ce procédé, écriture assistée par ordinateur. Voilà, et il y avait aussi un cerceau sur la scène qui tournait très très rapidement, et il y avait des projections sur le cerceau qui devenait comme une sorte de boule lumineuse, si vous voulez. Alors, il y avait des éléments extrêmement modernes, extrêmement audacieux sur le plan visuel. Il y avait des films aussi, des extraits de films qu'on n'arrivait pas à distinguer vraiment, mais qui étaient projetés sur la structure qui formait le décor et sur les costumes des comédiens. À un moment donné, on portait des costumes en tôle, des espèces de grands triangles de tôle, et on faisait du bruit en frappant dessus, et puis les projections allaient là-dessus. Ah, c'était vraiment tout à fait radical. Radicalement nouveau, radicalement étrange, étonnant, ça a surpris beaucoup le public. Ouais. Et puis il y a ce 9e tableau de la pièce qu'on appelle et qu'on appelait Érotomanie. C'est ce tableau-là qui va faire scandale à l'époque. On écoute à ce propos la comédienne Vilma Ghezzi qui répond aux questions de Michel Pellan à ce sujet, donc à l'édition métropolitaine de l'émission Présent en septembre 1967. Vilma Ghezzi, vous faisiez partie de cette scène. Avez-vous l'impression que soit par les costumes, soit par les gestes, soit par le texte, cette scène, ce tableau est indécent? Pas du tout. C'est un tableau qui est audacieux, parce que comme Rodrigue l'a dit tout à l'heure, c'est un spectacle qu'on a essayé de donner d'une façon expérimentale. Toutes les scènes sont audacieuses, sont poussées, mais il n'y a rien d'indécent. D'ailleurs, on a travaillé 3 mois et demi sur ce spectacle-là pour que ce ne soit pas indécent. On en a fait un ballet, une scène mime, pour représenter le côté érotique de l'homme, mais il n'y a rien d'indécent. D'ailleurs, on joue... Les comédiens jouent par couple, plus une danseuse, et personne ne se touche. On joue en aura. On donne l'impression de se toucher, mais il n'y a personne qui se touche dans certaines. Est-ce que ce serait, disons, le costume qui est suggéré? Les costumes, je ne vois pas pourquoi ils seraient indécents. Les hommes portent des collants, avec quelques trous sur le torse et quelques trous sur les jambes. Les femmes portent des maillots, avec également quelques trous sur les épaules. On n'a pas de manches. On a quelques trous sur le ventre, enfin, mais toutes les parties, enfin, qui sont considérées... indécentes, sont très bien couvertes. On porte tous des sous-vêtements. Et puis, en plus de ça, on est tous maquillés des pieds à la tête dans un maquillage argent. Et... ce qui fait partie d'un costume, en fin de compte, qui devient un costume. Alors, que montre donc ce fameux tableau Érotomanie? Que lui reproche-t-on? Pourquoi un tel scandale, Michel Weiss? Alors, on montrait l'accouplement d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, la femme était jouée par Carole Laure, hein, je vous le signale. C'était son premier jeu dramatique, son premier rôle au théâtre. Mais on l'a engagée comme danseuse, parce qu'elle se déhanchait magnifiquement. Elle avait un corps magnifique. Mais alors, la plupart du temps, le couple représenté par Carole Laure et son partenaire, il faisait l'amour à 15 mètres de distance. Vous voyez, il ne se couchait même pas. Et comme le disait Vilma tout à l'heure, Vilma Gezi, tous les comédiens étaient vêtus de collants noirs. Bon, il y avait des trous dans les collants, mais on ne voyait pas un bout de sein ni un bout de sexe. Et les comédiens ne devaient jamais se toucher selon la technique de l'aura. Et l'aura, c'est ce que nous a enseigné Paul Buissonneau. Vous voyez ? Oui. Alors, qu'est-ce qui a frappé là-dedans ? Ben c'est surtout la musique aussi, parce qu'elle provenait d'un disque de Luciano Berio qui s'appelait Visage, et c'était la chanteuse Cathy Berberian qui émettait quelques râles, quelques sons, quelques bruits qu'on peut émettre pendant l'orgasme ou pendant qu'on fait l'amour. Alors ça faisait comme ça, là, voilà. Alors ça a dû beaucoup frapper l'imagination des spectateurs. Et toujours est-il que la police arrive, descente en bonne et due forme de la police le 16 septembre. Je rappelle donc la pièce qui est présentée en première le 4 septembre 67 au pavillon Jeunesse d'Expo 67. Et puis le 16, donc, le soir de la dernière, arrive la police, arrestation de 9 des 12 comédiens de la troupe des Saltimbanques. Ouais. Pourquoi? Comment la police justifie cette descente et ces arrestations? Moi, j'étais en coulisses, j'attendais d'entrer dans la scène suivante. Donc, les 9 comédiens sortaient après le tableau Érotomanie, et puis la police les cueillait un après l'autre. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'arrêtez pas, moi aussi? Ah, il dit, non, toi, t'es pas là-dedans. Il dit, toi, t'es pas là-dedans. Il disait, bon, moi, j'étais dans le tableau suivant, alors j'étais obligé de dire au public, le spectacle doit s'arrêter parce que on peut plus continuer, les comédiens sont arrêtés. Alors, on n'en revenait pas. Il y a des spectateurs qui ont applaudi pensant que c'était un gag pour annoncer l'entracte. Mais j'ai dit non, écoutez, c'est sérieux, il nous faut un avocat pour défendre les pauvres comédiens qui sont enfermés dans une loge. Enfin, on n'avait pas d'informations, c'est juste le lendemain matin, en cours, après une nuit passée en prison par les 9 comédiens, qu'on a appris spectacle indécent. Alors là, on est tous tombés sur le dos, on ne comprenait pas. Et ce qui se passait vraiment. Et ça va se retrouver devant le tribunal, cette affaire-là, oui. Michel Vaïs. Il y aura un procès. Quelle allure va prendre ce procès, justement? Ça a été un procès complètement rocambolesque. Alors, évidemment, on n'avait pas les moyens de payer un avocat. Alors, on a créé un comité pour la défense des 9, donc des 9 saltimbanques, là, pour collecter des fonds. Gracie Angelina, par exemple, a donné 500 dollars qui provenaient du prix de la Société Saint-Jean-Baptiste, le prix Victor Morin, qu'il venait d'obtenir. On a eu l'appui de ténors de la communauté artistique, de critiques. Paul Buissonneau est venu en cours expliquer. Vous savez, monsieur le juge, si on veut chercher de l'indécence, on peut en trouver partout. Au jardin botanique, il y a des cactus qui sont pas banals. Alors ça a fait rire tout le monde. Un prêtre est venu dire qu'il n'avait rien vu d'indécent. Buissonneau a donné une leçon d'aura en cours. Il a expliqué au juge qu'est-ce que c'est que l'aura. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se toucher quand on... Parce que les policiers disaient que c'était une vraie orgie, que c'était qu'on se plottait sur la scène, tout ça. Mais non, il a expliqué que si on se touche, on détruit la dynamique du geste. Donc, il faut absolument garder une distance entre la main et la partie du corps qu'on survole. Et voilà. Mais oui. C'était l'époque, il faut dire aussi, où le célèbre lieutenant Quintal, qui a été immortalisé par les cyniques, avait répondu à un juge un jour, si ça bouge, c'est obscène. On lui demandait la définition de l'obscénité, et voilà, c'était ça, sa définition. Oui. Donc la troupe, en attendant le jugement, va décider de reprendre, malgré le contexte, de reprendre les représentations. Ça peut paraître à première vue téméraire. Pourquoi cette décision de reprendre la pièce et dans quelles circonstances on va la reprendre? Justement, cette pièce? Ben écoutez, on avait notre théâtre dans le Vieux-Montréal, au coin des rues Saint-Paul et Bon-Secours, où on était là depuis 6 ans déjà. Puis il fallait qu'on paye le loyer. Alors, on n'avait pas d'autres spectacles prêts à présenter. Notre avocat nous a dit qu'on pourrait présenter Équation pour un homme actuel, mais en dehors des limites de la ville de Montréal, puisqu'on attendait le jugement d'un juge de la ville de Montréal. Alors, on a accepté une invitation du carnaval des étudiants de l'Université de Montréal. Alors, on a joué un soir à Outremont, donc on était en dehors des limites. Et ensuite, on a joué dans le Vieux-Port de Montréal, au bateau-théâtre L'Escale, pendant un mois. on a fait une collecte de fonds tous les soirs, on passait le chapeau pour aider à payer les avocats et payer notre loyer du théâtre. Et puis même le procureur de la couronne, qui était donc contre nous, est venu mettre de l'argent dans notre chapeau après avoir vu le spectacle. Ça aussi, c'est assez révélateur, au fond. Hein. Il y avait un système en place, un état d'esprit ambiant, mais un système en place. Puis bon, cette anecdote-là, elle est parlante. Le jugement tombe finalement et les comédiens sont reconnus coupables, Michel Veillis. Oui. Comment le juge, encore une fois, on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, puis on ne comprend pas trop, mais comment le juge, à l'époque, justifie-t-il sa décision? Eh bien, le juge a dit que les comédiens qui font de l'avant-garde devraient se soucier des conséquences de leur action sur la société. Et il dit aussi qu'il avait été indisposé que nous ayons repris la pièce avant qu'il ne rende son jugement. Voilà. Les comédiens, les neuf, ont été condamnés à des peines de prison ou des amendes, enfin, je ne sais pas. Oui. La troupe va quand même, la troupe des Saltimbanques, poursuivre son travail à la suite de cette condamnation par la Cour. Le spectacle sera repris ailleurs aussi. Oui, voilà, parce que pendant les représentations qu'on a données à l'Escale, qui ont duré un mois, nous avons reçu la visite du critique français Gilles Sandier, et qui était dépisteur pour le Festival de Nancy, dirigé en France par Jacques Lang, qui deviendra ministre de la Culture un peu plus tard. Alors Jacques Lang nous a invités là-bas en avril 68, et nous avons demandé au ministère de la Culture du Québec de nous payer le voyage, ce qui a été fait. On a reçu une subvention exceptionnelle de 20 000 $, ce qui était 10 fois plus que ce qu'on n'avait jamais reçu en 6 ans, et la seule que faire appel du jugement de première instance. Ce que nous avons fait, on a fait appel, et le directeur du théâtre au ministère des Affaires culturelles, le comédien Yvon Dufour, nous a même accompagnés à Nancy. Et là-bas, ça a été le triomphe. Et les spectateurs, vraiment, cherchaient des raisons politiques à la censure que nous avions subie au Québec. Il faut dire qu'on était juste avant mai 68. On était en avril 68. Oui. Dernière question, Michel Veillis, sur le fait que cette pièce n'ait jamais été reprise par la suite, après cette production originale. Pourquoi? Ben, j'aimerais bien qu'elle soit reprise. Écoutez, ça fait des années que j'en parle. J'en ai parlé avec Michel Rossignol il y a longtemps. Elle a été directrice du Centre du Théâtre d'aujourd'hui. D'ailleurs, je signale que ce théâtre d'aujourd'hui a été fondé par les Saltimbanques avec les Apprentis Sorciers. C'est ça qui a donné le théâtre d'aujourd'hui. C'est une fusion de ces compagnies, quoi. Donc, j'ai proposé à Michel Rossignol de le reprendre, évidemment, dans une adaptation moderne dans son théâtre. Le texte est disponible. Il est aux Archives nationales. Poser aussi des photos, il y a des témoignages. On pourrait d'ailleurs en profiter pour organiser une exposition sur la censure au Québec après la grande noirceur. Alors, c'est toujours ouvert. Voilà. Michel Veillis, c'était un bonheur de vous recevoir à cette émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association internationale des critiques de théâtre, que vous avez été collaborateur de longue date à la revue Jeux et à la défunte chaîne culturelle de Radio-Canada. Merci infiniment, M. Veillis. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.